Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale, pour cette émission consacrée au monde agricole. En octobre dernier, un rendez-vous était donné aux élus, pas seulement aux élus, du GAEC, l'Alléchère, à Vouvray, Châtillon, Val-sur-Rhône. Opération communication pour comprendre les tenants, les aboutissants d'une profession souvent en mal de soutien, souvent en mal d'encouragement. À ce rendez-vous, en octobre, il n'y avait qu'une poignée d'élus, pas beaucoup. Alors de deux choses l'une, soit certains connaissent tout du fonctionnement d'une exploitation, dans ce cas pas besoin de venir, d'accord, mais dans l'autre, certains élus n'estimaient pas leur présence indispensable. Bon, en tout cas, on ne va pas en faire une thèse, on n'est pas là pour ça. Pour cette émission spéciale consacrée au monde agricole, trois exploitants agricoles, la Chambre d'agriculture aussi, bien sûr, représentée ici par Delphine Gudin, à ses côtés Damien Martel de Vouvray, Arnaud Tavel de Bia et Jean Bornard de Chanet. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation, d'avoir quitté votre exploitation. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est Xavier, autant pour moi, déjà ça commence bien. Ouais. Voilà, en tout cas, merci d'avoir quitté respectivement vos exploitations pour nous consacrer une heure et demie au monde agricole. Et je donne la parole, merci à Ludo qui est derrière les manettes ce matin, je donne la parole à mon président et ami Guy Catlan qui vous accueille aussi, bien sûr. Bien sûr, bonjour à toutes et à tous, merci Robert, bonjour à toutes et à tous, merci de ce rendez-vous que vous n'oubliez jamais d'honorer le samedi matin. Et puis Robert vient de nous le dire, les éleveurs, alors les éleveurs, merci d'être là, ainsi que madame avec la chambre d'agriculture. Les éleveurs en général protestent toujours contre la baisse de leurs produits. Plus les prix baissent, moins l'éleveur gagne d'argent. Et ça, bien évidemment, ça paraît un peu logique. Certains, d'ailleurs, affirment qu'ils perdent de l'argent. Ils dépensent 360 euros pour 1000 litres de lait et qui sont vendus 300 euros. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Peut-être pas vous, parce que vous allez nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Pourquoi le prix de la viande et du lait sont-ils à la baisse ? Les agriculteurs accusent les supermarchés, les abattoirs et les laitiers d'acheter le moins cher leurs produits. Cette baisse de prix est assimilée à la demande moins forte qu'avant. On mange beaucoup moins de viande et je dirais pas qu'on boit beaucoup moins de lait, mais il est transformé par la plupart, bien souvent. Par exemple, le lait est moins demandé dans le monde. Alors, j'ai même lu que les Japonais ou les Chinois avaient fait un gros stock, de grosses provisions, à vérifier, parce que tout ce qu'on dit, c'est bien connu. La presse, qu'elle soit parlée ou écrite, quelquefois dit des mensonges. On est bien d'accord. Or, la situation, donc, pour de nombreux agriculteurs est très difficile. Certains ne prennent pas de vacances pour s'occuper du bétail. Les emprunts, c'est encore un autre problème. Il faut les rembourser. Et quand on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas les rembourser. Beaucoup gagnent moins de 1 000 euros par mois, alors que le salaire moyen, alors là aussi, ça demande à être vérifié, 2 157 euros. Le salaire moyen. Il y en a qui doivent s'en mettre pas mal dans les poches quand même. Les agriculteurs demandent donc que les prix de la viande et du lait soient un peu mieux, un peu plus élevés. Ils affirment que leur profession est menacée. Ça, on le sait. On le sait. Plusieurs milliers doivent abandonner leur métier chaque année. J'ai même lu des chiffres qui m'ont... En 20 ans, le nombre d'exploitations agricoles est passé de 1 million à 500 000. C'est tout simplement une catastrophe, enfin, à mon avis. Si la France reste une grande puissance agricole, son classement mondial a baissé. Elle est désormais le cinquième pays qui vend le plus de produits agricoles dans le monde, alors qu'elle occupait la deuxième place. Ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que l'agriculture en France est en train, de mourir. C'est une question. À mourir. Ah, si vous parlez, vous parlez dans le micro. Bonjour à tous. Je dirais que l'agriculture est un peu en train de mourir. Oui, c'est vrai, mais en fait, ça dépend du secteur. Il y a des secteurs où dans certaines zones, ça se passe relativement bien. Et d'autres, c'est vrai que dans certains secteurs où il y a l'élevage laitant, principalement, c'est vrai que bon nombre de fermes arrêtent tous les jours. Nous, on a la chance d'avoir un lait à peu près rémunéré, qui nous permet d'avoir un salaire à peu près normal. Et puis, aujourd'hui, chez nous, ça va. Voilà. Justement, pour rebondir sur les, on a un lait qui se vend mieux, Guy le soulignait tout à l'heure, et pour quelle raison il se vend mieux ici que dans d'autres zones en France, que dans d'autres régions? On a la chance d'avoir des zones IGP, AOC, donc ce qui nous permet de vendre le lait mieux que dans le secteur classique, quoi, en lait conventionnel. Donc là, nous, principalement, on vend le lait aux fermes savoyards, et d'autres personnes le vendent à l'abbaye de Chaiserie. Voilà. Delphine. Ce sont des structures qui permettent de valoriser mieux le lait parce qu'elles produisent des produits, donc notamment le Bleu de Gex, le Comté. Pour les fermiers savoyards, ça va être plutôt de la tomme, de l'emmental de Savoie, qui peut être fait avec du lait produit sur la zone de département de l'Ain maintenant. Et ces produits-là sont recherchés par les consommateurs qui sont prêts effectivement à payer un petit peu plus cher pour ces produits, et ce qui permet du coup aux producteurs d'être mieux rémunérés. Alors, il y a autre chose, justement, je profite, je vais faire une petite parenthèse. Vous connaissez tous forcément C'est qui le patron, hein. Ce sont des producteurs qui s'en sortent pas trop mal. Hein. Quand ils ont lancé l'idée, ce n'était pas gagné d'avance. Pas du tout, effectivement. Et du coup, c'est une démarche qui fonctionne maintenant bien. Alors, elle n'est pas reproductible. Enfin, dans nos secteurs, pour le coup, on a ces AOC, ces IGP qui permettent de valoriser. Mais pour des secteurs où il n'y a pas ce genre d'appellation, c'est effectivement une solution pour les producteurs pour s'en sortir. Tout à fait. Mais ça veut dire, en fait, alors qu'il y a quand même quelque chose, il y a un dysfonctionnement quand même. On ne va pas parler de la grande distribution tout de suite parce qu'on l'accuse toujours de tous les maux. Quelquefois, elle n'est pas toujours en cause, bien que c'est souvent qu'elle l'est. Mais alors, il y a quand même ce problème de la grande distribution. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes producteurs locaux, est-ce que vous allez vous enfiler dans cette filière qui fait que c'est le produit à la ferme? Moi, je suis pas sûr que le problème, ce soit la grande distribution. En fait, le problème, c'est que dès qu'on n'est pas différencié, dès que c'est du lait ou du lait, personne ne va faire la différence de savoir si le lait, ouais, il vient... Parce que si une brique, il y a une marque, mais s'il n'y a pas de spécificité, bah, faut que le lait, il vienne de Normandie, d'Allemagne ou de Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de spécificité. Et les AOC ou C'est qui le patron, ils disent, ben voilà, si vous êtes prêts à mettre un petit peu plus d'argent, nous, on peut vous assurer que le lait, il vient de nos fermes. Et puis que dans nos fermes, il y a certainement un cahier des charges que je ne connais pas. Je sais que C'est qui le patron, il faut que les vaches, elles pâturent. Il faut qu'il n'y ait pas d'OGM dans l'alimentation. Et puis, il y a certainement d'autres choses. Et puis, nous on n'est pas dans des démarches de C'est qui le patron, parce qu'en fait, nos coopératives, elles ont toujours joué ce rôle-là de dire... Dans les coopératives, c'est les agriculteurs qui décident. Les cahiers des charges ont été fixés depuis des années par l'INAO avec les AOP et les IGP. Et en fait, on est dans des démarches. Voilà, on dit aujourd'hui c'est innovant avec C'est qui le patron, mais je pense que les zones AOP et IGP, ça fait des années qu'elles étaient sur ce créneau-là, de dire, ben voilà, nous on vous apporte quelque chose de différent si vous êtes prêts à mettre un petit peu plus d'argent dans votre alimentation. Différent et de qualité. Et de qualité. Et vous pouvez trouver des produits qui viennent de chez nous dans des supermarchés. Ils seront plus chers, mais ils seront quand même dans les supermarchés. Moi, je pense que les supermarchés, si les gens n'y allaient pas, ben, ils n'en auraient pas. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément jeter la pierre à... Moi, je suis le premier à encourager les magasins de producteurs, la vente à la ferme, tout ça. Mais en même temps, on ne peut pas tirer à boulet rouge sur les supermarchés parce que les gens... Une grosse partie du... Des volumes passent quand même par là. Ouais. Je parlais tout à l'heure de 360 euros les 1000 litres. Ça, c'est ce que ça coûte à l'agriculteur pour produire 1000 litres de lait. Et il est revendu 300 euros. Mais ça, c'est pareil, c'est le lait plutôt standard. Le lait, c'est sur des laits, voilà, conventionnels, et c'est la crise que traverse depuis quelques années maintenant, 4 ans, les producteurs laitiers. Effectivement, ils vendent à perte. Donc, c'est vrai que les lois sur l'alimentation qui ont été en discussion l'année dernière, normalement, doivent tendre à éviter ce problème-là pour que le lait soit payé au minimum ce qu'il revient à l'exploitant agricole. Voilà. que les marges ne soient pas tirées vers le bas. Mais en fait, c'est dans tous les secteurs, aussi bien la grande distribution que les plus petits, quoi, pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit rémunérateur pour les exploitants agricoles. Alors, comme le rappelait Damien, le lait conventionnel, il est soumis à la loi du marché mondial qui fluctue en fonction principalement de la demande chinoise, qui est quelquefois aléatoire, qui était à un moment très dynamique et qui faisait penser que le marché des produits laitiers allait être vraiment prospère, et qui s'est fortement ralenti. Et après, ben, c'est la cascade, c'est-à-dire que les pays producteurs, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, qui s'étaient mis dans une situation dynamique, inondent un peu les marchés. Après, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, nous ne sommes pas localement soumis à ce problème, mais néanmoins, nos produits sous marque IGP AOP répondent aussi à un marché, c'est-à-dire que le réseau des producteurs s'est organisé pour amener au marché ce qui correspond à la demande, parce qu'après, quelques pourcents de produits d'hommes, raclette, etc. Si ce n'est pas vendu, et ben après le prix descend, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que la concurrence est féroce d'autres pays? Est-ce qu'on importe beaucoup de lait? On ne se rend pas compte, on va au supermarché ou ailleurs, hein, peu importe, on achète une brique de lait, on ne sait pas d'où il vient forcément. Il y a une concurrence féroce, quels sont les pays qui... Moi, je me souviens, en 2009, il y avait eu déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu les grèves du lait, tout ça, puis on avait dit, en fait, il faudrait qu'on augmente le prix du lait aux producteurs français. Et on avait augmenté le prix du lait en France, il y avait eu des manifestations, donc ça avait fait pression pour que les industriels augmentent le prix du lait. Et qu'est-ce qui s'était fait? Les vases communicants, c'est que les Allemands, ils envoyaient du lait plein pot parce qu'eux, ils étaient peut-être 10 centimes dessous. Et en fait, c'est eux qui passaient. Donc, si on n'a pas une réponse, vu qu'on est dans l'Europe, si on n'a pas une réponse qui est commune à tout le monde dans l'Europe, eh ben, en fait, si nous, on augmente tout seul, eh ben, on passe plus sur les marchés. Du lait standard, quoi. Et puis la viande, c'est exactement le même problème. En fait, le dérèglement en France, c'est depuis la suppression des quotas. Voilà. Parce qu'en 84, on avait instauré les quotas laitiers, donc on avait un certain volume de lait à produire. Et en 2009-2010, donc la suppression des quotas, et c'est là que ça a commencé à... que le lait a commencé à chuter du fait que tout le monde s'est mis à produire davantage. Voilà. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, hein, c'est qu'on habite, d'ailleurs, nous, on habite une région, on va dire qu'elle est privilégiée, cette région, hein, par rapport à la production, en tout cas, du lait, principalement, parce que on a un certain nombre de fromages de qualité dans notre environnement, hein. On a parlé tout à l'heure du Blood Jex, de la raclette, on vient d'en parler, il y a le reblochon, il y a la tome de Savoie, enfin bref, l'abondance et tutti quanti. On est dans une région exponentielle par rapport à ses qualités de fromage et de pâturage, faut le dire. C'est ça, moi, qui m'étonne. On parle toujours de lait. Bien sûr, le lait, c'est la base, hein. Si t'as pas de lait, tu peux pas faire de fromage. On est bien d'accord. Mais on se focalise toujours là-dessus, mais on fait pas beaucoup, je trouve, hein, en tout cas, moi, je trouve qu'on fait pas beaucoup la promotion de ces produits qui sont issus du fromage. Est-ce que je me trompe? GFM ne fait pas son travail. Ben nous, on en fait. Pardon. On va en parler plus. Je crois qu'on ne peut pas nous accuser de ça, parce qu'avec les fermiers savoyards, on a un accord. Hein, donc, on en parle largement des fermiers savoyards. Donc, voilà. En fait, effectivement, on se focalise peut-être beaucoup sur les produits. Et on oublie aussi ce qu'apporte l'agriculture au territoire en dehors, qui est effectivement de moins en moins peut-être visible ou moins en moins connu. C'était un petit peu pourquoi les agriculteurs du secteur avaient voulu rencontrer les élus. Il y a effectivement l'acte de production avec les fromages qu'on peut produire, le lait, la viande. Mais l'agriculture, elle permet effectivement aussi d'entretenir le territoire. Bien sûr. C'est vrai que si on a un territoire qui est attractif, si les gens ils ont envie de venir s'installer, c'est parce que les paysages ils sont ouverts. Le jour où quand on sort de chez soi, on voit plus que des broussailles et de la friche, ça donne plus trop envie de venir s'installer. Donc c'est vrai que c'est très important parce que si on n'a pas les animaux dans les pâturages, on n'a pas cette ouverture de paysage. Donc c'est très important à la fois sur les zones autour de, bah, de Bellegarde, hein, de la ville-centre. C'est important aussi dans des territoires comme la Valserine, qui sont plus proches de chez nous. Si on n'a pas cette ouverture-là, bah, c'est vrai que ça va très vite. La friche, les broussailles, elles reprennent très vite leurs droits. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu de vue. On a l'impression qu'il y a claque de production. Mais les animaux dans les champs, c'est encore ce qui coûte le moins cher pour entretenir les paysages. On parle de prairie naturelle, mais une prairie naturelle, si elle est pâturée, parce qu'autrement, c'est du bois. Hein. Oui, tout simplement, oui, c'est vrai. Xavier, vous aviez peut-être une intervention non, là-dessus ? Non. Mais par rapport aux élus, je vous ai trouvé un peu dur dans votre présentation. Moi, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'élus, mais il y avait quand même un petit peu de monde. Je pense qu'ils savaient pas trop. Je pense qu'ils ont été surpris de l'invitation. Ils se sont dit, ah, les paysans, ils doivent avoir quelque chose à nous redemander. Et en fait, non, c'était plus pour qu'il y ait plus de contact entre. Tout le monde a une idée de l'agriculture, la sienne. Tout le monde a une idée de ce qu'elle devrait être, parce que tout le monde est concerné. Et en fait, on s'aperçoit que l'idée que les gens se font de l'agriculture. Eh ben, s'ils ne viennent pas régulièrement dans les fermes, elle ne correspond pas forcément à ce qui se passe. Donc, on n'a pas de secret. On s'est dit, ce serait bien que de temps en temps, il y ait un rendez-vous comme ça, un peu régulier, avec les élus, pour dire, ben voilà ce qu'on fait. Alors, la première fois, ça s'est fait, c'était dans un élevage laitier, pour y avoir la viande, pour y avoir plusieurs systèmes. Mais on aimerait bien mettre en place quelque chose avec eux, dans la durée. Et c'est vrai que quand on les a vus, les élus, ils posaient beaucoup de questions. Ils étaient même surpris d'un certain nombre de choses. Hein. Oui. Mais en fait, il ne faut pas croire que les élus sont différents de nos concitoyens. La population active agricole, ça a été rappelé tout à l'heure, hein, c'est considérablement érodé au fil des années. Et par voie de conséquence, la distance s'est agrandie entre les concitoyens et les élevages, tout simplement puisqu'il n'y a plus cette proximité faite par le nombre. Alors, on dit aussi que le nombre d'exploitations a fortement diminué. Alors, elles ont aussi changé. C'est-à-dire que plus souvent, elles se sont regroupées à plusieurs. C'est ce qu'on appelle les GAEC. Oui, en général. Ou alors d'autres formes sociétaires, mais c'est principalement les GAEC. Et tout simplement aussi pour s'adapter à l'évolution des tailles des exploitations, hein, puisqu'elles ont considérablement augmenté. La méganisation a aidé et il a fallu s'adapter aussi pour avoir une qualité de vie. Ça a permis de pouvoir se remplacer, de pouvoir prendre des vacances en partie, de pouvoir prendre des week-ends, un sur deux, un sur trois, pour évoluer un peu avec la société aussi, toujours avec un certain décalage, mais pour pouvoir évoluer aussi. Mais pour évoluer, est-ce qu'il ne faut pas grossir de plus en plus des petites fermes aujourd'hui, ça n'existe plus. Enfin, à la limite, c'est une question. Aujourd'hui, c'est des grosses fermes avec. On peut pas opposer les petites et les grosses fermes. C'est comme les marchés des produits laitiers. Il faudra répondre à tous les marchés. C'est-à-dire, il y aura des marchés IGP, AOP, il y aura des marchés pour c'est qui le patron, et puis il y aura des marchés conventionnels pour répondre à la plus grande masse. Et ce sera pas forcément les mêmes exploitations qui répondront à ces marchés. Mais c'est vrai que dans les zones d'élevage, le fait d'être à plusieurs permet quand même d'avoir une certaine qualité de vie, même si après, le fait de travailler à plusieurs fait qu'il faut avoir des relations humaines qui soient saines et qui s'adaptent. Et ce n'est pas des fois la moindre des choses à mettre en place. C'est un mariage. Ouais, mais le mariage, quelquefois, il a du mal j'arrive pas à trouver le mot, mais à faire ce mélange qui devrait être fait, en fait. C'est pas tout à fait l'expression que je recherchais. Je commence à perdre la mémoire, ça, c'est pas bon. Ce que je voulais dire par là, c'est que, en même temps, par rapport à ce que vous venez de dire, quand vous parlez de, j'ai un trou de mémoire là qui me revient plus. Ah oui, voilà. Quand vous parlez d'AOP et d'IGP, quelle est la différence de l'AOP et de l'IGP ? Parce qu'on peut se poser la question. Alors, l'IGP, c'est une identification géographique protégée. C'est un des premiers seuils de protection et de reconnaissance européenne. D'accord. Et le stade au-dessus, c'est l'AOP, l'appellation d'origine protégée. D'accord. D'accord. En fait, ça délimite les secteurs de production. Voilà. Ça délimite ensuite un cahier des charges particulier, parce qu'il y a en termes de production sur le lait, par exemple, il y a des races autorisées ou non. Il y a après ce qu'on disait, des sorties au pâturage qui sont obligatoires, des complémentations en aliments qui sont bien définies. Donc, il y a tout un cahier des charges autour de ça qui permet de rentrer dans ces AEP ou ces IGP. Et derrière, il y a aussi surtout un secteur géographique qui est défini, dans lequel on peut produire ou non ces appellations. C'est l'identification d'un territoire et d'un mode de production. Donc pour les types de lait à destination des fromages, donc nous sur nos secteurs, les aliments fermentés sont interdits. Donc c'est principalement à base de foin. Alors c'est pas forcément purement idéologique, hein, mais c'est aussi par souci sanitaire. Tout simplement, avec le foin, on a moins de développement de bactéries. Et si dans le milieu, le milieu où sont les vaches, l'environnement est plus sain, on a moins de risques de contamination du lait et qui se retrouve par voie de conséquence dans les fromages. Et c'est un des axes majeurs pour nos types de fromages au lait cru, puisque que ce soit la tome de Savoie, que ce soit le comté ou autre, on n'a pas la thermisation ou la pasteurisation pour détruire les bactéries pathogènes, parce qu'on veut aussi conserver les bonnes bactéries. Donc c'est le milieu où évoluent les vaches qui doit être le plus sain. Pas sain, pas du côté propre, mais avec des bonnes bactéries. Voilà. Mais est-ce que ces exigences qui sont aujourd'hui sur le marché, elles n'ont pas toujours existé. Je veux dire, je me souviens dans le temps, on va encore dire que je suis vieux, tant pis, je me souviens dans le temps, les normes sanitaires n'étaient pas aussi draconiennes qu'elles le sont aujourd'hui. Et cependant, me semble-t-il qu'à l'époque, c'était encore une autre époque, il n'y avait pas, comment dire, cette sensibilisation auprès du monde agricole pour garder. Je me souviens, on balançait le lait dans les boys, on ne se posait pas de questions à savoir s'il était filtré, pas filtré, machiné ou pas machiné. Aujourd'hui, il arrive au fermier savoyard, il y a des prélèvements qui sont faits tout de suite, stop, on arrête, il y a un problème sur ce machin-là, il faut déterminer le truc. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé, personne n'en est mort, je veux dire, par rapport à ça. Ce qui a changé, déjà, premièrement, c'est la taille des laiteries. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait un souci sanitaire, ça considérait des petits volumes, et donc ça restait facilement circonscrit à un petit territoire. Donc vu que les tailles des laiteries ont augmenté, ça démultiplier le territoire concerné. Après, on a aussi le mode d'alimentation des gens en général qui ont une alimentation bien plus saine au niveau bactériologique. Donc, ils sont aussi plus sensibles à dès qu'il y a un souci sanitaire. Hein, ils sont plus fragiles, hein, que ce soit les jeunes enfants ou les personnes immunodéprimées. Et donc, ces deux facteurs-là font que c'est une obligation maintenant. Et pour nous, on ne peut pas faire l'économie de cela si on veut conserver la confiance du consommateur. Alors, ce qu'il faut qu'il ait à l'esprit, le consommateur, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit alarmé quand il entend qu'il y a des retraits de fromage ou de l'eau. Oui, c'est plutôt un signe de bon fonctionnement, de réactivité. Si on veut avoir des produits au lait cru, il faut savoir que de temps en temps, comme on travaille avec un milieu vivant, des bactéries, une vache peut attraper une mammite. Le temps qu'on la détecte, son lait est passé dans le tank et est collecté. Et il peut y avoir un lot de fromage contaminé. Voilà. Alors après, avec les qualités d'analyse qui sont actuelles, on retrouve plus de germes aussi. Mais je trouve que c'est quand même un bien aussi, une signe de traçabilité et de confiance à conserver. Moi, je vais dans ce sens-là. J'ai toujours une tome d'avance à la maison. Alors, je vais vous dire. Non, mais je vais vous dire. Il y a des fois, il y a un bout de tome qui reste dans un coin du frigo ou dans la boîte Tupperware, je fais de la pub, hein, et qui date de 5, 6 semaines ou que sais-je. Je veux dire, elle est toute noire, la tome. Moi, je la mange, hein. Je suis pas mort, je suis là. Donc, je veux dire que quelque part, faut aussi arrêter d'alarmer les gens et de dire que ça, voilà, ça a été retiré parce que on a trouvé qu'il y avait une moustique qui était tombée dans la boîte de lait et puis que les choses, que ça a contaminé la chose. Je trouve que quelquefois, on pousse le bouchon un petit peu trop loin. Voilà. C'est... Ouais, mais le problème, c'est que aujourd'hui, plus personne. Tout le monde se couvre, que ce soit au niveau de la DAS, tout ça, ou de la DSV. Et nous, on peut pas se permettre. Je sais. S'il y a une crise, vaut mieux retirer les fromages et puis avoir inquiété un petit peu le monde que d'avoir une crise et puis de mettre la filière complètement par terre. Donc, c'est toujours la limite. Notre différenciation, c'est le lait cru. On veut le conserver. Et le lait cru, on travaille tout le temps avec ce risque. Avec ce danger, oui. D'accord. Mais moi, je suis d'accord avec vous. On va manger des choses qui sont comme ça, et puis il y a pas de risque. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui peut faire la même chose, et puis c'est plus limite. Pour moi, il faut aussi qu'il y ait une éducation à la consommation des fromages au lait cru et aux différents types de fromages au lait cru. C'est-à-dire quand vous consommez un reblochon qui a une durée d'affinage de 3 semaines ou un Mont-d'Or, vous avez des produits qui sont très fragiles au niveau bactérien. Et pour moi, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes très âgées ou immunodéprimées ne devraient pas manger ce type de produit. C'est des produits de qualité, mais à risque. Une femme enceinte, elle ne mangera jamais un steak saignant. Le médecin lui dira qu'il y a un risque et donc il faut absolument prendre des précautions et faire cuire la viande. Donc pour moi, c'est aussi une éducation au fromage, à la consommation. Delphine n'était peut-être pas tout à fait d'accord sur tout, là. Si, non, elle a raison. En fait, j'étais triste. Je trouvais que c'était très difficile de ne pas manger de fromage quand j'étais enceinte. Mais c'est effectivement une éducation. Et je pense qu'on on a mis toutes ces barrières, toutes ces analyses en place. Mais il y a aussi, ça répond aussi à une demande de la société qui évolue comme ça et qui demande d'avoir ces éléments-là. Les gens ne sont plus effectivement dans l'esprit de se dire c'est comme ça, ça peut arriver, on veut des barrières et des sécurités un peu partout, et malheureusement on est obligé de s'y plier. Je pense que ça montre, comme le disait Jean, qu'on a tous ces retours, qu'on a ces éléments de sécurité, de surveillance, et que la filière, elle fait bien son boulot, quoi. Moi, j'aurais voulu revenir par rapport à la taille des fermes. Tout à l'heure, vous en parliez, les petites exploitations, les grosses exploitations. Comme le dit Jean, il faut pas opposer les deux. Il y a effectivement des structures et des produits pour lesquels on va aller sur des petites exploitations. Je pense à du maraîchage, par exemple. C'est clair qu'on a très peu de grosses exploitations sur ces productions-là. Ça va être des productions qui vont être en vente directe, en lien direct avec le consommateur. Donc là, on va avoir effectivement des petites structures qui n'ont pas besoin de beaucoup de surface et qui vont exister et pouvoir tout à fait cohabiter avec des GAEC qui sont en production laitière ou en production viande bovine ou ovine. Mais ça ne veut pas dire que les uns sont bien et les autres sont mal. Oui. Il y a les deux qui doivent coexister. Et puis, il faut être bien conscient qu'on n'a pas dans notre territoire des structures d'exploitation, même en GAEC, qui sont démesurées. Quand on a 3 ou 4 associés, c'est le maximum. Donc ça veut dire que c'est encore des exploitations qui sont à taille humaine, avec des gens qui travaillent sur les exploitations, qui sont ceux qui possèdent ces structures. On n'est pas dans de la gérance ou dans du salariat. On est vraiment sur des gens qui pour qui c'est la structure. Donc on est dans quelque chose qui reste humain et qui reste tout à fait gérable à l'échelle de notre territoire. En fait, bien souvent, c'est 3-4 agriculteurs qui se rassemblent, tous, les familles, c'est tout là, et ça forme ces fameux GAEC dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, forcément, il y en a un qui naît, il y en a 3 qui meurent. Par rapport au groupement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu ça qu'on voulait démystifier avec la journée des élus, c'est que souvent, on nous dit, nous, on est 5 associés, et on nous dit ça, mais... En fait, moi, quand j'ai rejoint le GAEC en 2003, on a remplacé 2 agriculteurs. Le nombre d'actifs, il n'a pas baissé. Il n'a pas baissé, oui. Et est-ce qu'il y aurait eu encore une ferme en plein cœur du hameau d'Oshia ? C'est pas forcément sûr. Alors, je ne dis pas qu'on a sauvé le truc, quoi. Mais je dis, dans nos systèmes qui restent quand même familiaux, ou du type familial, c'est-à-dire les gens qui travaillent, eh ben, c'est eux qui possèdent leur outil. Ils permettent de pas vivre complètement déconnecté du monde en travaillant quand même à plusieurs. Parce qu'on voit qu'il en reste encore beaucoup des fermes en individuel, mais c'est quand même le cran au-dessus, quoi, quand la difficulté pour se faire remplacer, quand tout passe par vous et tout ça. Donc voilà, il y a quand même une souplesse qui est permise par la forme du GAEC. Et puis pour le moment, ça a quand même maintenu les actifs. Mais on voit qu'on est quand même à la limite, parce qu'aujourd'hui, les GAEC, s'ils grossissent, eh ben on s'aperçoit qu'on est on est limite, parce que le jour où les gens partent à la retraite, eh ben il faut trouver le remplaçant, à retrouver, il faut trouver trois, et puis du capital et tout ça. Donc je pense qu'il y a une taille à trouver dès qu'il y a de l'élevage, entre être tout seul ou à plusieurs pour se simplifier la vie, et puis pas non plus augmenter pour que ce soit transmissible, et puis pas que ce soit des capitaux. Vous n'êtes pas encore dans la ferme des 1000 vaches, quoi. Je pensais. 850. Elle est à la limite, quoi. Non, mais la ferme des 1000 vaches, c'est 850 vaches. Donc c'est une des fermes les plus importantes en France, en sachant que bon, c'est par rapport à d'autres pays, je vois comment en Espagne, là aujourd'hui c'est des fermes de 4000 vaches qui sont en train de se développer, ou en Allemagne, quoi. C'est de l'industrie, c'est plus de faire. Ah ben complètement, c'est de l'industrie. Après, c'est plus de l'agriculture. Enfin, oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'en France, on a un modèle familial, enfin l'exploitation, comme le disait Damien, en GAEC, qui est. C'est tout acceptable, quoi. Voilà. Ouais. Et qui permet de transmettre encore l'outil. Encore quelque chose. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte du système agricole français. Nous, c'est le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Vous allez dans d'autres pays, c'est le ministère de l'agro-industrie. Ah, oui. Et déjà, ça ne donne pas tout à fait. Et on a quand même. Alors, vous dites qu'on est passé de la deuxième à la cinquième place. Il est difficile à tenir notre modèle parce qu'on est en concurrence. Mais on a quand même un modèle qui est quand même assez... qui est capable de prendre en compte ce que les gens attendent. Et en fait, ce qu'on fait, nous, dans nos petits secteurs, c'est un espèce de pacte entre ce que les gens veulent et puis nous, ce qu'on peut produire. Et je pense qu'au niveau français, on serait capable tout à fait de le faire à plus grande échelle avec chez qui le patron, tout ça. Et si on... Et ça, je pense que c'est quand même à peu près maintenu par rapport à d'autres pays. Bon, je vais faire une intervention par rapport au modèle français. Le modèle français, dans l'Economist, dans la revue, une revue britannique, The Economist. Donc, britannique, vous avez dit ? Britannique. C'est ceux qui sont dans le Brexit. Oui. Donc, qui est distribué, distribué à 1 500 000 exemplaires dans 8 ou 10 pays. Sur 70 pays, le modèle français est le modèle le plus durable au monde. Donc je pense qu'on peut se féliciter de nos agriculteurs en France. Ah oui, mais je le crois. Voilà. Je le crois fermement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je rajoute, parce que c'était pas une enquête faite par hasard. Il y avait quand même une quarantaine d'indicateurs, dont la bonne utilisation de l'eau, la préservation des sols, le gaspillage et la production à travers la durabilité des méthodes agricoles. Voilà. Alors, justement, alors vous évoquez ce problème-là. Moi, je vais en évoquer un autre. C'est la diminution drastique des terrains agricoles. Alors, on parle de protection de l'eau, on parle de choses. C'est vrai qu'on vous accuse quelquefois, on en reviendra sur la méthanisation. Ils sont pas bêtes, les Suisses. Non, c'est pas bête. Ouais. Ils ont inventé un truc qui paraît, les vaches, elles font moins de méthane. Bon, et puis elles augmentent la production de l'air. Vous avez intérêt de vous y mettre. Or, je sais pas si vous allez encore avoir l'IGP ou la OFC, mais bon, on verra comment que ça fonctionne. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, en Haute-Savoie, je crois savoir que, c'est Christian Monteil qui en parlait il y a quelques jours. Je ne sais plus, je veux pas dire un chiffre parce que je voudrais pas me tromper, mais il y a une énormité de stades de football, en comparaison par rapport au terrain agricole qui disparaît toutes les années. Je veux dire, comment vous faites? Alors, ça se traduit par une surface agricole de l'équivalent d'un département qui est consommé en urbanisation. Alors, en urbanisation, ça vaut pour les maisons, ça vaut pour les routes, etc., tous les 10 ans. On peut pas dire non plus que les élus et que les politiques n'aient pas pris en compte ce... ce phénomène, puisque du temps de Jean-Louis Borloo, ça a été créé le Grenelle de l'environnement. Et là, a été mis en place au niveau du droit d'urbanisme, des normes qui sont bien plus sévères au niveau de la consommation de l'espace. Et donc ça s'est traduit par la modification du SCOT sur Belgardien, sur la modification des PLUIH qui sont en place, où on voit que malgré un développement démographique qui ne cesse de progresser, hein, c'est 8000 habitants dans l'Ain chaque année, la consommation d'espace par nouvel habitant diminue, mais reste réelle. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'il y a de nouvelles règles qui font qu'on ne peut pas non plus construire une maison sur des milliers de mètres carrés. Tout à fait. Ça vous protège. Ils encouragent aussi à l'habitat collectif ou semi-collectif, ouais, et puis à urbaniser toutes les, ce qu'on appelle dents creuses à l'intérieur des villages. Alors, c'est sur ce côté-là aussi qu'on a voulu alerter les élus. Alors, ils en sont conscients, mais leur rappeler... Parce que nous, ça peut poser un souci, c'est au niveau des épandages de la matière organique, hein, que ce soit des fumiers ou des lisiers, puisqu'on doit respecter des distances vis-à-vis des habitations. Et si on mite le paysage, c'est-à-dire que si on diminue la surface épandable, eh ben ça pose problème, effectivement. Delphine, vous vouliez rappeler par rapport à l'urbanisation, compléter ce que disait Jean, c'est que depuis quelques années, on voit dans des plans locaux d'urbanisme des surfaces urbanisables qui sont en diminution. En fait, on enlève des surfaces qui étaient prévues pour être urbanisées pour les rendre à l'activité agricole parce que justement les lois ont changé. Donc du coup, on permet quand même de mieux gérer ces surfaces agricoles et d'avoir plus de lisibilité dans le temps. Chose qu'avant, on ne voyait pas parce qu'on agrandissait systématiquement les zones à urbaniser. Maintenant, on voit plutôt que ça peut se restreindre. Donc c'est quand même une évolution qui est plutôt positive. Mais le problème reste quand même. J'ai assisté à une réunion sur le PLUI de la SMIN il y a quelques jours où on disait qu'il y a des terrains agricoles qui étaient considérés agricoles et qui aujourd'hui deviennent terrains constructibles. De toute façon, ils continuent parce qu'il y a... Alors, voilà. Évidemment, alors après, il y a des restrictions par rapport à ça. Hein. Ça a été d'ailleurs, ça a été très intéressant ce que le cabinet avait dit. Mais c'est vrai que malgré tout, ça reste encore un problème. De toute façon, on est dans un secteur où l'urbanisation, on voit bien qu'elle se développe. De toute façon, on est à proximité de la Suisse, d'Annecy. Donc, il y a forcément un développement. C'est prévu pour les années à venir. Donc, c'est incontournable qu'on empiète sur les terres agricoles. Après, on a quand même donc ces moyens de restreindre par rapport à avant en imposant, comme disait Jean, un peu plus d'habitat collectif en hauteur, ce qu'on voyait pas forcément avant parce que ce qui était il y a quelques années en arrière, quand on parlait d'urbanisation, c'était la maison individuelle avec le jardin, surtout dans nos campagnes entre guillemets. Alors que maintenant, on encourage à penser un petit peu autrement, à densifier. Donc forcément, ça existe. Après, il y a des secteurs où oui, on empiète sur le terrain agricole. Après, le problème, c'est qu'on prend sur des terrains qui sont souvent des terrains de plat, plutôt labourables, parce que c'est là où c'est à proximité des villages, qui sont des terrains qui sont un peu indispensables pour l'agriculture aussi. Soit pour les cultures, soit pour les épandages. C'est là où on a souvent un frottement, du coup, quoi, entre les deux activités. On sait qu'on n'ira pas contre, parce qu'il y a des gens en plus. Mais la seule chose qu'on voulait rappeler, c'est quand on regarde les villages, comment ils étaient faits. Moi, on est à Vouvray-au-Chia. Quand on regarde toute la place qu'il y avait et où ils ont construit les maisons à Vouvray-au-Chia, ils avaient toute la place et ils avaient quand même le souci que le village, il soit au sommet où il y a sur les cailloux et on gardait le bon. Et ben nous, ce qu'on demande, c'est ça augmente. On est dans une région comme ça, qu'on ait la même intelligence de dire on fait au mieux. Voilà. Gardons les terrains agricoles le plus souvent et essayons d'aller construire là où les fermes elles vivront pas juste en entretenant les alpages. Faudra qu'en bas il reste quelques parcelles. Ouais. Ça pose problème la cohabitation. Xavier qui va intervenir. Simplement pour ajouter que c'est le souhait de tout Français d'avoir son pavillon individuel avec un terrain autour, puis faire son petit jardin ou passer la tondeuse. Mais c'est vrai que ça ne pourra pas répondre à tous les besoins de tout le monde. Ça c'est inévitable. Sachant que le département de l'Ain, je crois que c'est 8000 personnes de plus chaque année. La Haute-Savoie, idem. Donc c'est vrai que voire plus. Donc je pense que les gens on sera obligé de les loger en hauteur. On n'a pas le choix. Si on veut préserver notre foncier, quoi, voilà. Il faut changer son mode de vie, sa vision des choses, peut-être. C'est ça qu'il faut changer, je sais pas, enfin, ou un peu faire évoluer les mentalités ou... Ces lois sur l'urbanisme, elles ont contribué, je pense, maintenant, dans les conseils municipaux à faire évoluer les choses par la force, finalement, un peu, entre guillemets, puisque, du coup, les élus sont un peu bloqués. Maintenant, l'idée, c'est aussi de la journée qui avait eu lieu au mois d'octobre, c'était aussi de refaire le lien avec les élus pour refaire comprendre que, bon, même s'ils étaient obligés par ces lois par rapport à l'urbanisation, il y avait aussi une vraie réalité derrière et bien refaire sentir ce qu'était l'activité agricole maintenant. C'est vrai qu'il y a aussi des contraintes. On parlait des épandages, il y a des contraintes à respecter en termes de distance, en termes de moment d'épandage. Et tout ça, il faut que ça puisse vraiment se coller avec le développement d'une commune. Il y a aussi le lien avec les tiers, hein, avec les habitants, qui sont pas toujours simples. Il y a aussi le passage sur les chemins. On a des tracteurs, des matériels qui sont de plus en plus larges parce que on répond aussi à des normes, hein, derrière par rapport à l'épandage. On essaye de moins de répandre de manière différente. Et du coup, le matériel évolue, mais ça demande des chemins qui soient un peu plus adaptés. Et des fois, c'est pas toujours évident. Alors l'agriculture ne fait pas... n'a pas évolué de façon différente que les travaux publics. Hein. Maintenant, vous voyez passer sur les départementales énormément de semis, de semi-remorques. Hein. Et donc, les tailles des véhicules ont évolué. Et donc, certains chemins, il faut qu'on puisse les faire évoluer pour être adaptés à nos équipements, quoi. Et des équipements au niveau de l'épandage qui peuvent être avec des rampes à pendillards sous les tonneaux, pour éviter alors les nuisances olfactives, hein, c'est-à-dire les odeurs, hein, le souffle qui est dégagé, et puis qui permet aussi et qui permettra de diminuer la volatilisation de l'ammoniac et la pollution de l'atmosphère. C'est vrai que l'épandage, ça fait tout le temps râler. Hein. Enfin, pas moi personnellement, mais... C'est super bon, j'adore, moi, quand ça épandre. Mais moi aussi. Oh là là. C'est un plaisir d'entendre des gens parler comme ça. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il faut rappeler... Tout le monde n'est pas d'accord, même nous, les gamins, quand ils descendent de l'école, puis qu'on a attaqué le lisier, ils nous engueulent, ils disent tous les copains, ils disent que ça pue, qu'est-ce que t'as encore fait. Alors, je veux juste rappeler aussi, c'est que à travers ces épandages, en fait, c'est un recyclage de la matière organique que produisent les vaches. Ouais, hein, donc, c'est de l'engrais vert qui est remis sur les terres labourables et sur les prés, qui va permettre de faire pousser du foin, que les vaches vont manger. En fait, c'est un cercle, voilà. Et ça permet de diminuer les quantités d'engrais chimiques à épandre. Donc, c'est un cercle vertueux. On en est bien conscient de ces questions-là. Et en plus, maintenant, on commence à avoir des solutions en matériel, tout ça, pour réduire les odeurs. C'est-à-dire que le lisier, on le dépose au sol pour qu'il n'y ait pas de contact avec l'air. Et là, on réduit. C'est ce que tu disais, Jean. On réduit vraiment les odeurs. Ça sent quasiment ça sent plus. Beaucoup, ouais. Quasiment rien. Il faut être sur la parcelle pour que ça sente. Mais c'est des équipements qui sont fiables et qui marchent aujourd'hui, mais qui sont très onéreux. Donc, on est en train de regarder pour s'équiper à plusieurs parce que ça fait vraiment... Ça sert à rien de... Ouais, voilà. C'est un truc en plus pour les fermes. Mais on voit qu'on sera... Ce sera un passage plus ou moins obligatoire pour continuer à bien s'entendre avec nos voisins. Et du coup, ça nous... Et c'est ça qui fait aussi évoluer un petit peu les chemins, c'est que c'est du matériel qu'on n'arrive pas à avoir tout seul, donc on achète à plusieurs. Donc il est dimensionné souvent pour deux ou trois fermes pour pouvoir le mutualiser. Alors, on le mutualise à travers les CUMA. Ouais. Donc les CUMA, c'est les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Et donc, sur nos secteurs, on en a trois, hein, qui partent d'Anglefort jusqu'à Chézry, l'Aléria. Et donc, le projet, c'est d'acquérir sur ces trois CUMA environ 4 tonneaux équipés de pantillards et pour épandre au sol. Mais il faut se rendre compte, c'est quand même un investissement de 250 à 300 000 euros. Et donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas le faire seul. Voilà, tout simplement. Mais les urbains qui viennent de la ville et qui veulent vivre à la campagne, ils sont encore retournés à la ville, non ? C'est une petite attaque. Parce qu'on ne peut pas être en même temps avoir, je ne sais pas, sa maison ou être dans la campagne et puis ignorer complètement la ferme qui fait l'épandage, qui fait ses activités, etc. Donc c'est un choix de vie aussi. Hein. C'est un choix de vie, mais en même temps, je pense que les gens, ils n'ont plus... après, c'est, voilà, la société l'a évolué. Auparavant, les gens, ils avaient tous un parent, ou donc le père, la mère ou les grands-parents qui étaient dans le milieu agricole. Et donc, on voyait ce que c'était que l'exploitation, on y allait tout le temps. Maintenant, c'est de plus en plus éloigné. Et on est resté, quand on a des images, on est resté sur ces images d'il y a 50 ans, qui sont plus effectivement celles qu'on met en œuvre maintenant. Et je pense qu'il y a, il y a une distance entre les gens qui viennent s'installer, les nouveaux ruraux, et puis les agriculteurs qui vivent maintenant, qui ont évolué comme tout le monde, comme la société, avec du nouveau matériel, avec des fermes un petit peu plus grandes. Et du coup, je pense qu'il y a une incompréhension. C'était pour ça qu'il avait voulu cette journée. Et je crois que c'est aussi... il faut se dire aussi que les agriculteurs, ils sont ouverts à ce que les gens ils viennent discuter avec eux, voir ce que c'est. C'est pas un souci, je crois, au contraire. Non, même pas. Beaucoup de soucis. Je veux dire, je pense que les gens sont relativement compréhensifs. En CIF, nous, on a eu quelques soucis avec, mais voilà, justement, si on veut que les gens ils restent compréhensifs, faut montrer que nous, on fait un pas aussi. Et ça, c'est comme ça pour les épandages et puis même pour la gestion des cultures, moi. Les gens, je pense qu'il y a du fantasme. On parle de l'interdiction du glyphosate, tout ça. Moi, il y a des gens qui se prennent partout, nous, quand on travaille du terrain. Les gens n'osent pas non plus, mais jamais quelqu'un m'a dit, tiens, alors là, vous faites... Parce que... Vous êtes en train de pourrir la terre. Non, mais voilà. Une fois ou deux, ça m'est arrivé d'avoir la discussion avec les gens, mais... C'est agréable pour tout le monde parce que tout à fait. Plutôt que chacun fantasme de savoir, moi je le dis pas. En plus, on avoue. Ouais, voilà. On n'a pas fait la démarche du bio parce qu'on était dans d'autres démarches par rapport aux ateliers. Voilà, on travaille d'une certaine manière. Il y a de la fertilisation, il y a du désherbage un petit peu pour les cultures, mais on est 80, nous plus de 80% de la surface c'est de l'herbe. Voilà, et moi j'aurais pas de mal et on serait assez demandeur à pouvoir en parler avec les gens, voilà, les gens qui se promènent et puis qui voient passer un tracteur, arrêtez-le, voilà. Allez-y, c'est pour moi. Je vais vous lire quelque chose qui va être je l'avais là à l'image là et puis il vient de partir, voilà. Bonjour à tous. Belle leçon de bon sens à nos agriculteurs qui sont aussi les garants de la beauté de nos régions. Sans eux, les images du Tour de France ne seraient pas si belles. Merci pour ces bonnes et riches explications. La bise à tous. C'est un élu de l'ASMIN qui nous écrit ça. Voilà. Léo. Donc vous voyez, par exemple, oui, l'ami Léo, qui est toujours à l'écoute, c'est un fervent. Il habite Franklin et autant vous dire qu'il est très attentif à ce qui se passe dans l'agriculture. Mais voyez comme quoi, ils sont sur la Haute-Savoie, on est dans l'Ain, mais ça écoute. Voilà, c'est ça la communication aussi. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ah ben voilà. Non, mais c'est clair. Ben voilà. Ben c'est vrai, comme le disait Damien, on n'a pas spécialement trop de problèmes avec les voisins. Bon voilà, ça arrive quelquefois, mais enfin, oui, d'un côté, ça va. Oui, bon, oui. Après, c'est vrai qu'il faut arrêter de fantasmer sur les pesticides, sur les engrais chimiques, voilà. Donc moi, je me souviens quand le Roundup est arrivé en France, enfin du temps de mon père, mais c'était la révolution. Des plantes qui n'arrivaient pas à se défaire, comme le chien à dents. On a appliqué ça, du jour au lendemain, tac, plus rien. Mais c'était la révolution. Bah oui. Mais je pense, ouais, c'est ça, quoi. C'était une évolution du futur. Bon, ça serait sûrement qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup trop. Mais bon, aujourd'hui, après, bon, voilà. Aujourd'hui, les agriculteurs, ça y est, il y a une démarche qui va dans le bon sens. Réduction pour réduire, pour appliquer moins de produits, voilà. Mais bon, je pense que ça y est, c'est parti. Mais oui. On pourra pas, du jour au lendemain, passer à une agriculture complètement biologique. Je pense que c'est... Bon, il y a des choses à faire. Mais... On pourrait, si les gens étaient prêts à le faire. Seulement, on le fait. Et puis en même temps, on fait venir des produits qui viennent du Canada, où là, c'est OGM et Roundup. Parce que nous, pour faire un tout petit point glyphosate, puisque c'est quand même encore un peu à la mode, pour avoir visité d'autres pays... Où les gens ils sont dans des systèmes intégrés avec des semences qui résistent au Roundup et donc ils sont le maïs et le soja se suivent et sont tous désherbés avec du Roundup et du coup ils ont été obligés d'augmenter les doses pour maintenir l'efficacité. Ouais. Ils sont à 11 litres par hectare et par an. Moi, j'avais été en Argentine, ils sont à 11 litres par hectare et par an. Et nous, sur certains, le Roundup, ça va correspondre vraiment à ce que tu disais. Les fois où il était utilisé, c'était pour des tâches, tout ça. Ben, si on divise par la surface du champ, on va être autour d'un litre. Et puis si tu en divises par l'utilisation sur la ferme, on est peut-être à 0,001 1, oui. Je dis pas, peut-être que c'est encore trop, il va être interdit. Ben moi, je ne vais pas m'alarmer pour un produit qui vient de chez Monsanto, on l'enlèvera, mais je veux dire, sinon on l'enlève. Il faut qu'il y ait une cohérence. Voilà, on peut pas dire vous nickel et puis tout ce qui vient par contre ma foi c'est comme ça quoi. Oui, parce qu'on ne vit pas dans un monde clos, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des contraintes qu'on peut respecter, ma foi, si la société décide cela, à ce moment-là, il faut une cohérence sur tout ce qui est acheté et importé, et qu'il faut que ça respecte cette cohérence, quoi, parce qu'à ce moment-là, on se bat, nous, avec un boulet au pied, et les autres sans, quoi, voilà. Il y a quand même des choses qui sont... Il y avait un jour une émission sur la 5, pour ne pas la citer, sur l'agriculture bien évidemment, mais plus particulièrement dans la fabrication du vin, dans l'entretien en fait des vignes, et ça se passait dans les Pyrénées. Alors c'était il y a quelque temps de ça, hein, il y a déjà un petit moment, hein, il y avait un produit dont je ne me souviens plus du nom qui était interdit en France, donc aux Pyrénées, frontière avec l'Espagne. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le viticulteur des Pyrénées? Il allait chercher son produit en Espagne, qui, lui, était libre. Mais c'est complètement débile, quoi, je vais dire. Ou alors, effectivement, on met au point une chose et on dit tous les pays, c'est comme ça. Ou alors, vous réduisez les choses comme on vient de l'expliquer, et puis vous laissez faire les choses, tout en essayant d'être le plus modéré possible. Mais il faut pas que d'un côté, il y ait une autorisation et que de l'autre côté, il y ait une répression. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a aussi l'inverse. Une toute petite parenthèse, on a vu aussi l'inverse, des viticulteurs qui ont été condamnés pour ne pas avoir utilisé certains produits chimiques sur leur vigne. On a vu ça. Ça, c'est dans le cadre d'une prophylaxie générale. Alors, sur certains animaux, on a eu aussi des obligations à des moments donnés. C'était pour l'éradication du varron. Donc, c'est un parasite qui perce les cuirs des vaches. Et donc, pendant tant d'années, pendant 3 années, il a fallu que tout le cheptel soit déparasité avec un produit. Et c'était une obligation pour se débarrasser de ce type de parasite et qui n'existe plus actuellement. Alors, voilà, c'est un peu comme une couverture vaccinale. À partir du moment où on met en place ça, si... Il y a trop de personnes qui ne respectent pas à l'intérieur du périmètre, ce n'est pas du tout efficace. Alors, je ne sais pas du tout le détail sur la partie vigne, mais je pense que ça peut être dans ce style-là. Je crois que c'était un producteur qui était un agriculteur biologique. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Et qui ne voulait pas utiliser ce fameux produit qui était obligatoire. Je crois que c'est ça. Ah oui, peut-être bien. Oui, je crois. Il avait été condamné. Je voudrais passer la parole à vous, Delphine, parce que pour en revenir à la journée d'octobre, vous avez dit voilà, on est dans un territoire devant l'Assemblée, il y avait des élus, etc. Un territoire extrêmement riche. Là, on a parlé de lait, mais il y a beaucoup d'autres choses ici dans notre territoire, dans notre bassin de vie. Oui, on s'était parti sur le territoire de la communauté de communes du Pays Belgardien. Et effectivement, c'est un territoire par rapport à d'autres, hein, sur le département où il y a énormément de diversité au niveau des exploitations. On a de l'horticulture. On a des équins, on a des gens qui produisent du miel, donc on a forcément des gens en lait, qu'ils soient en lait conventionnel ou bien en lait, donc sur les coppes de Chézeril ou des fermiers savoyards. On a de la production de viande, on a de la transformation en lait de chèvre et en lait de brebis. Donc on a un territoire qui est vraiment très riche, de la pisciculture aussi. Ça doit être... on n'a pas beaucoup de territoire ici sur la Dombe, forcément. Mais du coup, c'est vrai que c'est un territoire qui est très très riche et pour moi, c'est vraiment une richesse pour la collectivité d'avoir toute cette diversité. Donc pour le coup, quand on parlait de taille d'exploitation, on a vraiment toutes les tailles d'exploitation sur ce territoire par rapport à ça. Ah, c'est richissime, oui. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on parle aussi de l'abattoir ou des abattoirs. Bon, on a entendu cette affaire assez terrible, là, avec l'abattoir Gessler, qui a repris activité, d'ailleurs. Hein. Oui, ouais. L'activité d'abattage est repartie, oui, tout à fait. Est repartie. Il fonctionne bien, l'abattoir de Bellegarde? Alors, donc, l'abattoir de Bellegarde a été repris par 4 sociétaires en 2014. Aujourd'hui, ils sont en pleine production. Ils sont même en limite de production, en limite de capacité. Oui. Donc, et c'est vrai que la commune de Bellegarde, Valserone, a bien œuvré dans ce sens pour maintenir l'abattoir. Je pense que ça n'a tenu qu'à ça, qu'à une volonté. Ouais. Complètement. Je pense que dans beaucoup d'autres communes, ça ne serait pas passé comme ça, qu'il n'y aurait plus d'abattoir. Donc on peut dire un grand merci à nos élus. Il y a eu les élus belgardiens, mais il y a aussi eu les élus de la Haute-Savoie. Complètement. Donc les qui sont battus bec et ongles. Deux départements se sont associés, ont apporté des subventions. Des billes. Et aujourd'hui, l'outil fonctionne à plein boom. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 1200 tonnes qui sont travaillées chaque année, quoi, localement. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place les viandes des pays de l'Ain. Donc ça sera un peu une charte propre à notre département. Donc là, on démarre là-dessus pour pouvoir y mettre en place d'ici fin de l'année. Enfin bon, les mois passent tellement vite. Donc cette année, c'est une chose qui devrait démarrer, un peu ce qui ressemble un peu à l'IGP, à OC, je pense qu'il y a des choses à faire et puis que les gens s'y retrouvent dans les achats de tous les jours, voilà. Mais je crois que ça se fait bien tous les jours, hein. Je crois qu'il doit y avoir un article aujourd'hui sur le Dauphiné Libéré qui parlait aussi de l'agriculture. J'ai pas bien eu le temps de le lire, mais c'est vrai que les métiers se diversifient en fait en agriculture, hein. Et de plus en plus, me semble-t-il, que la vente à la ferme, la vente sur place se fait de plus en plus avec beaucoup de succès. Ce qui prouve bien que quelque part vous êtes de plus en plus crédible de ce côté-là. Alors après, on parlait d'agriculture bio. Moi, je vous le dis très sincèrement, au bio, j'y crois pas. Bon, je vous le dis comme je le pense, hein, je suis cru, mais c'est comme ça. Le bio, je n'y crois pas. Ou alors, faut que ce soit vraiment dans un système drastique, hein, qu'il y a vraiment des contraintes, que ces contraintes soient mises en place. Moi, je vois pas dans notre région comment on peut faire du bio. Ah, mais le bio, on n'y croit pas, mais c'est le seul. On voit l'augmentation de la consommation. Je sais plus, c'était pas des une vingtaine de pourcents. Mais s'il y a une volonté pour ça, il faut que nous on se mette en face pour le faire. Moi, on n'est pas spécialement parti là-dedans, mais alors je comprends tout à fait les gens qui sont dans des systèmes conventionnels puis qui disent la porte de sortie chez nous ça peut être le bio, et même dans nos systèmes un peu plus protégés des appellations, il y a des magasins qui sont que bio. Si on veut que nos produits se retrouvent dans ces magasins là il faut qu'il y ait quand même une gamme bio. Alors après, on avait toujours peur que ça mélange, est-ce que ça décrédibilise ce qu'on fait autrement? Moi, je crois pas, c'est en plus, quoi, voilà. En fait, il faut comprendre que c'est un cahier des charges supplémentaire. Ah oui, bien sûr. Sur l'utilisation des produits phytosanitaires et puis sur certaines prescriptions sur le troupeau, donc les non-OGM, et là on était déjà dans ce cas-là sur nos IGP. Et en fait, c'est un cahier des charges supplémentaire. Et par contre, ce cahier des charges, il est comme nos cahiers des charges IGP et AOP, il est contraignant. C'est-à-dire que c'est surveillé, on n'a pas le droit d'acheter ce type de produit si on est éleveur biologique. Et nous, notre ferme, on a fait le choix de s'orienter sur cette voie-là, puisqu'on démarre la conversion au mois de mai prochain des cultures, tout simplement parce qu'il y a un marché et que ce que disait Damien... Il faut qu'on puisse répondre à ce marché, quoi. C'est une attente sociétale, voilà. Oui, il faut qu'il y ait de la demande, quoi. Voilà, tout à fait. Il faut que les gens soient... Alors après, il faut avoir conscience que ça aura un coût supplémentaire. C'est comme nos IGP, nos AOP, c'est des fromages avec des cahiers des charges, pour une traçabilité et une qualité, donc c'est un coût supérieur. Quand on passe avec du bio, ça sera... des charges encore supplémentaires, donc il y aura encore un coût supplémentaire. Si les gens sont d'accord pour le payer, aucun problème. Mais après, certains supermarchés, de faire croire que le bio sera au prix du conventionnel, sur nos zones, sur la France, ça serait un mensonge de faire croire ça. Delphine. En fait, l'agriculture bio, elle est quand même vraiment, voilà, c'est très encadré. Il y a un cahier des charges qui est très strict, qui est contrôlé ensuite toutes les années par des organismes certificateurs qui sont des organismes indépendants. Donc c'est quand même, c'est pas quelque chose, voilà, qui se fait et qui se décrète, et on n'est pas agriculteur bio comme ça. Il y a vraiment une vraie démarche qui doit se mettre en place et qui derrière est contrôlée. Donc c'est, voilà, c'est quelque chose d'important, et c'est clair que c'est une demande qui va croissante de la part de la population. Donc après, c'est aux agriculteurs de dire, ben, on prend le train ou on ne prend pas. Faut être conscient que dans nos territoires où on est sur des cahiers des charges IGP ou AOP, on est sur des cahiers des charges qui sont quand même pas très très loin de la bio. La marge à faire, elle n'est pas si importante que ça. Elle va être importante, enfin, elle va être à mon avis plus importante pour les agriculteurs sur la partie culture, mais sur toute la partie par rapport aux animaux, la production de lait, c'est pas une marge qui est énorme à franchir. Non, c'est juste le contrôle. Ouais. Pourquoi je dis ça? On est dans une région, encore une fois, on est dans une région privilégiée. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Je préfère qu'on parle d'agriculture raisonnée, hein, de quelque chose qu'on essaye de... Parce que de toute façon, moi je me dis une chose. Alors, c'est peut-être faux, c'est peut-être, je me fais peut-être des idées. On est dans une zone... Il y a l'aéroport de Genève qui est juste à côté. Les avions nous tournent toute la journée autour de notre tête. Toute la journée, ils sont sur notre tête. Moi, des fois, je monte au col de Richemont. C'est un désastre, le col de Richemont. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Enfin, ou alors, je me fais des idées. Et, il y a bientôt plus de sapins. Où ils sont tous, ils ont été massacrés par je ne sais quoi. C'est le C'est quoi? Le Bostriche. Bon, ben, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout simplement des petits insectes, ouais. qui dès qu'ils rentrent dans une plantation, il y en a un premier qui sèche, et si celui-là n'est pas éliminé très rapidement, bah, ça se propage. Et en fait, l'augmentation de cette présence, hein, des insectes est due au réchauffement climatique. C'est pour ça que ces dégâts augmentent en altitude. Voilà. C'est un tout. Alors c'est un tout. Je veux dire, c'est pas que le fait des avions qui nous passent sur la tête. Non, c'est pas que la pollution des avions, de l'essence, du machin. Ah, sur le Bostriche, non, ça. Non, c'est aucun rapport. En fait, c'est le réchauffement climatique qui fait que maintenant les sapins d'altitude sont aussi touchés. Ben, sûrement que les avions, oui, ça protège pas l'environnement. Ça on est entièrement d'accord là-dessus. Je veux dire, voilà. Par rapport au rejet du CO2, je pense que c'est une catastrophe. Oui, c'est ce que je pense aussi. Très sincèrement, c'est ce que je pense aussi. Alors après, si c'est protégé, pourquoi pas? Moi, quand on me donne un produit qui vient d'une serre, j'y crois. J'y crois. Mais pas ce qui est à l'air libre, je m'excuse. Vous faites un champ de maïs ou que sais-je, vous allez faire ce qu'il y a, c'est du bio. À côté, vous allez avoir un coup de bise qui nous vient du fort d'Écluse. Pouf, ça tombe par terre là-bas. Il est où le bio, sincèrement? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est la réaction un petit peu de ce qu'on entend, hein. En tout cas dans notre bassin de vie. Après, il y a peut-être des solutions. C'est pas complètement faux, parce qu'effectivement, deux parcelles qui sont côte à côte, une en bio, une voilà, qui est conventionnelle, elle va pas être, il y a pas de frontière hermétique, il y a pas de paravent qui vont empêcher le passage. Pour autant, il y a quand même une démarche, du coup. Oui, oui. Alors même si ça sera pas, rien n'est effectivement bio à 100%, effectivement, sauf sous serre, mais il y a quand même cette démarche et une limitation de tout ce qui est intrants, etc. Donc ça, on peut pas le nier. Après, il faut être... là aussi, c'est l'éducation des consommateurs. C'est se dire que on n'est peut-être pas... Ça sera jamais bio à 100%, mais on s'en rapproche quelque chose de naturel le plus possible. C'est pour ça que l'agriculture raisonnée, voilà, moi, ça me plaît bien. Voilà. Mais après, voilà, il y a des gens qui ont besoin de ces labels-là et qui se sentent plus rassurés. Mais je pense que tout est aussi question d'éducation. Enfin, voilà, on reste dans l'éducation des gens, que les gens soient aussi conscients. Même si c'est bio, il n'y a peut-être pas effectivement sur des choses, il y a des frontières qui seront jamais hermétiques, jamais étanches, mais si on tend le plus possible vers des choses raisonnées ou naturelles, globalement on va améliorer, on va tirer vers le haut, c'est une évidence. Donc je pense que c'est d'être conscient de tout ça, et les consommateurs, il faut qu'ils le soient aussi. Mais même avec l'augmentation du bio, on voit que les gens aussi se disent, du bio... Mais si c'est pour acheter du bio qui a traversé la moitié de la planète, ça m'intéresse pas. Donc finalement, vous, du local, dites-moi comment vous faites. Ouais. Et puis, parce que moi, je me mets à la place des gens qui soient peu de gens de la famille ou connaissent. Donc, avec, on entend tout le temps parler d'alimentation. Moi, je comprends que certains ont peur. Ils disent, bah, tiens, pour nos enfants, nous, on a les moyens. Oui, eh ben, on va vers le bio. Oui. Eh ben, souvent, les gens-là, ils viennent chez vous, ils regardent, ils vous posent des questions, ils voient comment vous travaillez et vous disent, ouais, ben, moi, ça, banco. Moi, ça me plaît. Mais quand je suis dans un rayon, je sais pas forcément. Et voilà. C'est un peu ça. Et le bio. En France, c'est pas le bio des pays étrangers. Hein. On est bien d'accord. Ça, on est d'accord. Parce que il y avait une émission sur les bananes. Oui. Les bananes, 18 traitements dans une année. Donc après, je ne sais pas si on peut appeler ça des bananes bio. Enfin, excusez-moi. Mais le bio, c'est aussi, et souvent, je pense aux grandes surfaces, c'est souvent un argument commercial. Quand on voit le prix d'un kilo de bananes bio et inconventionnelles, c'est pas du simple double, mais pas loin quand même. Il faut sortir le porte-monnaie. Après, c'est des choix. Après, c'est des... Mais effectivement, de bananes traitées 18 fois, c'est bon. Quoi. Et puis en plus, qui vient de Pétaouchnock. Enfin, bref. Enfin, avec... On a du mal à les faire quand même. Alors, on va les... Oui, non. On peut toujours essayer. Et c'est vrai pour nombre de produits bio, sous prétexte qu'ils sont bio, et on n'a pas de traces, on ne sait pas d'où ça vient et comment c'est amené. Il y a étiquette bio, bah, c'est du bon. Bah, pas forcément. Enfin, pas forcément. On revient à l'éducation en fait, voilà. C'est réapprendre aux gens qu'il y a des produits qui sont produits localement et qui sont, alors ils sont peut-être pas bio, mais finalement ils sont des produits qui respectent des cahiers des charges et qui font qu'on est dans des produits qui sont plutôt naturels, surtout dans nos régions, hein, faut quoi, voilà, on revient encore, on n'est pas dans des territoires où on est sur une agriculture intensive, les vaches elles sortent dehors, elles mangent du foin, elles ont des cahiers des charges où il n'y a pas effectivement d'alimentation fermentée, donc on est quand même sur des choses... Si elles n'ont pas le label bio, c'est quand même des choses qui sont le plus naturel possible, je dirais. Donc du coup, mais ça, c'est aussi que par le dialogue, quoi, que ça s'instaure et que les gens comprennent. C'est plutôt une angoisse des gens de se dire, bah, vu que je ne sais pas, au moins, là, j'achète du bio, au moins, voilà, je suis tranquille. Mais, ouais. Enfin, voilà. Bon. Je pense que je vais dire aux consommateurs, acheter bleu, blanc, rouge, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, hein. Ça, c'est déjà le voilà, premier. Voilà, une agriculture durable. Française. Numéro un, voilà, une agriculture française. Ouais. Vous parliez tout à l'heure d'une marque de viande de lin, c'est ça, qui va sortir au printemps ? Viande des pays de lin, oui. Viande des pays de lin. Qui va sortir normalement cette année. Enfin, on est en train d'y travailler, voilà. Vous connaissez forcément Mon Brin d'Herbe ? Oui. Qui est beaucoup sorti il y a quelques années. C'est de la super qualité, oui ou non ? Bah, Mon Brin d'Herbe, c'était sorti quand il y a eu les problèmes de la vache folle. Ouais. C'est vrai qu'au départ, ça avait bien démarré, enfin, c'était très fort. Et puis après, c'est retombé jusqu'à pratiquement, à part la boucherie Chatron, qui a encore le panneau Mon Brin d'Herbe. Après, ça s'est éteint, quoi. Les boucheries charcuteries de Bellegarde se servent beaucoup chez vous. Hein. Ils sont vraiment locaux. Hein. Oui. On en connaît. Oui. Je pense que le souci de Mon Brin d'Herbe, c'était plus un souci de filière, de s'entendre ou de voir comment on travaillait entre les bouchers, les abattoirs, les éleveurs. C'est plutôt ça qui a que le concept, non ? Je pense que le concept était peut-être un peu en avance finalement par rapport à la demande sociétale. La réalité, il y avait une vraie réflexion des éleveurs en se disant par rapport au problème de la vache folle, bah, on va apporter aux gens de la viande locale qui était née, élevée et abattue sur le secteur de montagne en fait de la zone du département. Peut-être que c'était un peu trop tôt, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas trop dans ces démarches-là, hein, du côté consommateur. La viande des Pays de l'Ain, ça va être le même concept. Hein, c'est né, élevé et abattu sur le département de l'Ain. Donc voilà, c'est quelque chose qui se porte antinomique. Bon, bah, Mon Brin d'Herbe, c'est vrai que maintenant, on n'existe quasiment plus. Hein, voilà. Donc ça va être repris par cette marque-là. Mais c'est vraiment l'idée... Bah, d'amener aux gens des produits dont effectivement on assure un peu la traçabilité et puis qu'ils soient du département. On a la chance sur ce territoire de la communauté de communes d'avoir aussi ces outils de transformation, d'avoir l'abbaye de Chaiserie, d'avoir les fermiers savoyards qui sont à côté même s'ils sont pas là, et d'avoir l'abattoir. C'est vrai qu'il y a peu de territoires comme ça où il y a des outils qui sont vraiment sur le territoire. L'abattoir gestère, oui, qui est juste à côté aussi. Et du coup, c'est il faut se rendre compte que les agriculteurs, ils sont vraiment partie prenante du territoire pour le coup, parce que les coopératives comme les abattoirs, ils sont à la gestion de ces outils-là, et du coup, ils sont investis à la fois pour l'entretien du territoire et puis pour la vie économique de ce territoire. Donc il y a vraiment un ancrage qui est fort. Et je pense que c'est important d'en avoir aussi conscience de ça. Est-ce que ça veut dire que nos élus ont tout compris, ou presque, une bonne partie ? Je pense. Je pense que oui, j'en suis certain. On est dans une configuration un peu de montagne, enfin mi-montagne, on va dire, pas vraiment la montagne proprement dite. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, agriculteurs, par rapport à cet environnement ? Alors nous, les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, c'est plus par rapport au changement climatique. D'accord. Voilà. Bon, je pense que c'est un des premiers critères. Donc, comme des gros déficits de pluviométrie oui. L'été. Depuis quelques années. Ça vous handicape. Ah, bah oui. Et on a une réduction du fourrage d'année en année. Et c'est vrai que pour pallier à tout ça, tu reprends encore des hectares, ou sinon, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on n'investirait pas dans l'irrigation, parce que c'est vrai que quand tu passes bon, des fois, on en parle entre nous, mais c'est quoi la solution pour avoir de l'herbe l'été ? On a dit encore 2 années de sécheresse, puis on irrigue. Hein? Vous savez que vous êtes les plus gros consommateurs d'eau sur la planète, hein, les agriculteurs. Vous y savez, ça ? Alors, vous le savez, ça ? On le sait, mais en fait, quand on produit du lait ou de la viande, effectivement, les prairies reçoivent de l'eau du ciel. Donc, elles consomment l'eau qui tombe. Une partie de la consommation de l'eau, elle reste de l'eau qui provient de l'eau de pluie ou de la neige. Hein. Donc c'est pas que de l'eau. En fait, on voit qu'il nous manque de l'eau l'été, mais il y en a beaucoup plus l'hiver. Je veux dire, la pluviométrie, quand on regarde, elle a pas forcément baissé, sauf qu'elle est plus. Elle est mal répartie. Ouais. On parle pas forcément d'aller prendre de l'eau dans les nappes phréatiques ou dans les rivières. L'irrigation, elle peut se raisonner en récupérant l'eau l'hiver. Oui, c'est ce que je dis. Et la redistribuer après. Et puis, on peut rassurer les gens. C'est à la boutade comme ça en buvant un coup de blanc. On est encore pas. Il faudra qu'on s'adapte. C'est-à-dire que si. Damien a raison, si plusieurs étés continuent comme ça, on sera obligé de s'adapter. On n'aura pas le choix. Acheter du fourrage. L'eau, c'est oui, mais en fait, après on perd la proximité de nos fourrages produits localement. On a l'obligation d'avoir des fourrages qui viennent de la zone. À 100% de la zone. Il y a des charges, bien sûr. Il faut savoir aussi qu'actuellement, et depuis longtemps déjà, on est sur un secteur de montagne calcaire, donc l'eau, elle reste pas. Hein. Quand elle tombe, elle s'infiltre, on la voit plus. Les agriculteurs, ils exploitent aussi les alpages sur notre territoire, hein, que ce soit le sorgia, que ce soit le retor colombier, les alpages de la Valserine. Sur ces secteurs-là, les animaux, les génisses, elles montent pendant tout l'été, et il faut les abreuver. Donc, depuis longtemps, sur ces secteurs, on a fait des réserves d'eau artificielles pour pouvoir alimenter les animaux pendant la période d'été. Donc ces réflexions-là, ce n'est pas des choses nouvelles quand on parle d'irrigation ou d'amener l'eau. Il y a déjà des expériences anciennes sur ces choses-là, hein, parce que ça date des années 80, les premières réserves. Donc on a de l'expérience, on sait que ça peut le faire, et on prend au sommet du Colombier ou au sommet du plateau de Rotor, ce n'est pas dans les ruisseaux qu'on va prendre l'eau, c'est uniquement l'eau du ciel et l'eau de fonte des neiges. Donc du coup, on prive entre guillemets personne, et on peut redistribuer l'eau comme ça. Donc, est-ce qu'à l'avenir, ce n'est pas des choses qui devront être mises en place, être réfléchies ? C'est clair qu'actuellement, je pense que c'est vraiment le point le plus crucial pour l'agriculture, c'est que ça fait 3 ou 4 ans où on voit bien que les étés, c'est plus ce qu'on avait et ça devient vraiment compliqué. Donc, il faut avoir une réflexion autour de ça. Et c'est-à-dire que ça évolue très, très vite au niveau de ces déficiences estivales de pluie, et on n'a aucun moyen à part d'utiliser un peu plus de luzerne, donc c'est une culture fourragère qui est plus résistante quand même au sec, mais qui atteint ses limites aussi quand il y a vraiment aucune pluie, et éventuellement du sorgho un peu fourragé pour alimenter les vaches été, mais on essaye de trouver des techniques pour compenser ça, mais on pourra pas totalement tout compenser quoi si ça perdure. Je vais apporter de l'eau à votre moulin. L'une des conséquences de cette pluviométrie, alors ça va vous faire peut-être sourire, c'est que cet hiver, du côté de l'abbaye de Chazery, ils n'ont pas produit de blue jack somar. Et on m'a dit, c'est à cause de la pluviométrie, il n'y a pas eu d'herbe, donc les vaches, donc la qualité du lait, donc pas de bleu homard. Inouï, moi j'étais très très surpris. Oui. On a la chance d'avoir un producteur qui vend son lait à la Chazery de... À la coopérative de Chazery. Et on m'a dit, c'était cet hiver, normalement, sous le mois de décembre, on peut en trouver. Il m'a dit, il n'y en aura pas cette année. On n'en aura pas, sûrement pas. Bon. En fait, les gens, au mois de septembre, on a tous fait pareil. On a recompté les stocks de foin, mais vous pouvez recompter quand il y en manque, Donc les gens, ils ont ajusté un peu le troupeau. Il y a des bêtes qui sont parties plus précocement, tout ça, pour pouvoir passer l'hiver. Et on se retrouve à une période où c'est pas... Dans des systèmes où l'alimentation des vaches, c'est principalement l'herbe, on fait du lait au printemps. Et la consommation du bleu de Gex, elle est beaucoup concentrée sur la période de, que vous dites, novembre, décembre, puis encore janvier, février. Et c'est des périodes où c'est pas la plus forte production de lait. Et ça fait qu'on se retrouve avec... vous pouvez pas dire aux gens qui vous achètent du fromage, on t'en met un peu moins parce qu'on fait du bleu homard. Non, on fait déjà le bleu pour normal. Ouais. Et puis le bleu homard, cette année, il a passé à la trappe. Ça va revenir. Ça va pas empêcher de manger du bleu, mais bon, sans le faire. Et maintenant, il y en a. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est manger le bleu homard au mois de mai, parce que comme ça, c'est du bleu qui est fait à l'herbe, mais il est encore meilleur. Et puis, il doit y en avoir. Je pense qu'il y en a tout le temps. En fait, il faut comprendre, c'est que comme on est très proche, nos vaches mangent ce qui est produit localement, donc on est très, très conditionné par le climat, quoi. Donc, nous, il faut qu'on accepte les années vraiment difficiles, on produise un petit peu moins de lait. Alors, pour le consommateur ou pour la laiterie, c'est pas forcément l'idéal parce que elles ont une capacité de transformation, elles ont des salariés. S'il y a un peu moins de lait, les charges ne sont plus diluées sur les mêmes quantités, les charges de structure ne sont plus diluées sur les mêmes quantités, mais c'est dur d'étaler d'année en année sans variation. On peut pas dire aux gens, on produit le plus naturellement possible, puis dire on s'affranchit de tout. Il y a des années qui sont plus compliquées, il y a un peu moins de production. Puis voilà. C'est quand même critique, je veux dire. Je me fais pas de souci. Pour vous rassurer, il y a la raclette de Savoie, la tome de Savoie. Mais bon, c'est de bonne guerre, après. Oui. C'est de bonne guerre. Mais de toute façon, on consomme tous les fromages du coin. Il n'y a pas de souci. Peut-être un peu moins de ceux de très loin, là, de la Savoie et de la Haute-Savoie. C'est vrai, quand c'est très loin, l'abondance, les trucs comme ça, c'est vrai qu'on est plus attaché aux productions locales qu'aux autres. Mais enfin, on essaye aussi de rester bleu-blanc-rouge, c'est ça ? Oui, bleu-blanc-rouge. De toute façon, on aurait du mal à aller chercher des fromages ailleurs, alors qu'on a, je ne sais plus combien de qualités de fromage en France, c'est quelque chose de faramineux. Combien ? Je crois qu'il y a 1100. Oui, enfin, je ne sais pas. C'est un truc. Donc, on a de la qualité, de la quantité et de la qualité, on peut le dire. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Et en plus, c'est fait chez nous, oui. C'est pas ailleurs. Voilà. On va arriver au terme de cette émission. C'est quand la prochaine opération de communication ? Elle n'est peut-être pas programmée. Pour l'instant, elle n'est pas programmée, effectivement. Mais je pense que suite à la journée du 23 octobre, c'était quelque chose que les agriculteurs souhaitaient éventuellement remettre en place. Je pense que maintenant, ça attendra peut-être les prochaines élections municipales, les nouvelles équipes. Mais voilà, effectivement, à mon avis, il y a l'idée de se remettre, de refaire ça pour créer du lien et puis que... Que les gens, voilà, mieux se connaître. Régulier Et puis que cette fois, les élus n'aient pas peur de venir. Voilà, on n'a rien à leur demander, c'est juste pour les rencontrer. Les inviter à boire un coup de pain. Voilà. Une petite parenthèse encore, Delphine, l'opération Lin de ferme en ferme, il y a des fermes qui le font ici, qui participent Donc Lin de ferme en ferme, ça sera le dernier week-end d'avril, et on a 3 fermes sur le secteur de la Valserine qui participeront à l'opération. Donc il y a la chèvrerie de Noircombe, il y a la chèvrerie de Montière, et puis il y a le GAEC de Communal en vache laitière. Voilà, donc sur le secteur de Chézry. Ouais, du côté de Chézry, Montière, très accueillants. Ils sont très, très, enfin, tous très accueillants. Mais donc, du coup, c'est l'occasion, effectivement, d'aller discuter avec les agriculteurs, se renseigner, de voir comment ça se passe. Et c'est absolument passionnant. Oui, tout à fait. Merci, en tout cas. Merci beaucoup à Ludo, à Guy, à vous, messieurs. Alors, je vais mettre votre nom parce que je me suis planté tout à l'heure sur un prénom. À vous, messieurs Martel, Tavel, Bornard, et à vous, Delphine, d'être venus ce matin pour cette émission consacrée à l'agriculture, émission qui va être diffusée dimanche prochain dans une semaine à 11h. À très très bientôt. Merci. Et merci à Ludo, bien sûr. Merci.